Yuma, chapitre 10. Le reverrait-elle jamais? Yuma se posa sans cesse cette question pendant toute la nuit qui suivit son entrevue avec Gabriel. L'avant-dernière nuit qu'elle devait passer à Anse Marine. Mais toujours elle se répondait par des larmes. Elle entendit sonner l'heure à laquelle elle eût pu fuir avec lui vers la liberté. Et la petite pendule de bronze du salon, sous la cloche de verre, tinta toutes les heures, les unes après les autres. Yuma ferma les yeux. Elle revit encore, comme à travers ses paupières, les images de la soirée. Elle revit la figure de Gabriel et Mayotte qui jouait avec sa noix de coco, et l'ombre veloutée projetée par les falaises noires sur le sable noir, et les blondes et brisants d'écume, silencieux comme des fragments de nuages. Toutes ces images allaient et venaient, s'agitaient et disparaissaient, et puis revenaient encore avec une netteté effrayante. Ce ne fut qu'aux premières heures du matin que commença pour elle cette obscurité douce et muette qu'est le répit de toute pensée. Mais bientôt son esprit s'éveilla. Elle s'imagina qu'une voix l'appelait, faiblement, comme de très loin, une voix qu'elle reconnaissait, comme on reconnaît dans un rêve d'autres rêves déjà disparus. Puis elle eut conscience d'un visage, le visage d'une très belle femme, d'une négresse qui la regardait avec des yeux grands et doux, qui lui souriait sous les plis d'un turban madras jaune. Et elle était éclairée par une lumière qui ne venait de nulle part, qui n'était plus que le souvenir de quelque matinée, morte depuis longtemps. Et à travers cette clarté indistincte grandit un doux rayonnement bleu, le fantôme d'un jour. Et elle reconnut son visage et murmura tout bas, « Doudou, maman !» Elles se promenaient toutes les deux où elles s'étaient promenées autrefois, parmi les mornes. Elle sentait la main de sa mère qui la guidait comme lorsqu'elle était une petite fille. Et devant elle, tandis qu'elle marchait, quelque chose de pourpre, de vague et d'immense se leva et s'étendit, le spectre énorme de la mer qui s'arrondissait jusqu'au ciel. Et dans la blancheur perlée, par-dessus l'horizon confus, jaillit de nouveau la vision de l'île anglaise, dont les cimes violettes étaient barrées de longs effilés de nuages lumineux. La vision se définit lentement et changea de couleur, tandis qu'elle regardait, toutes les cimes rosirent jusqu'à leur extrémité, comme une éclosion de roses merveilleuses s'épanouissant dans la mer, sous le soleil. Et Douceline, parlant comme à un petit enfant, lui dit « Travail bondier toute jolie, hein ?»« Oh, ma petite maman bijou, oh, petit bijou, maman, oh, ma petite maman, je ne puis pas partir. » Mais déjà Douceline n'était plus auprès d'elle. L'ombre brillante de l'île avait aussi disparu, et elle entendit la voix de Mayotte, qui pleurait quelque part derrière les arbres. Alors elle se hâta dans cette direction, trouva l'enfant sous une plante immense qui étendait fort loin ses racines enroulées. et les lianes innombrables qui tombaient de cet arbre empêchaient de voir à quelle espèce il appartenait. L'enfant avait cueilli une feuille sombre, et elle avait peur, car un liquide étrange coulait sur ses doigts. « Ce n'est que la liane de sang, » dit Yuma. « On s'en sert pour la teinture. »« Mais c'est chaud !» répliqua l'enfant, encore tout effrayé. Elles eurent ensuite toutes deux très peur, à cause d'un lourd battement qui résonna comme la dernière vibration d'un coup de canon tiré parmi les mornes. Toute la terre en trembla. Le jour se mit à tomber et s'atténua en une obscurité rouge comme lorsque le soleil meurt. « C'est l'arbre !» cria Mayotte. « C'est le cœur de l'arbre qui bat !» Cependant, il leur était impossible de s'enfuir. Un étrange engourdissement clouait leurs pieds à terre. Et, tout à coup, les racines de l'arbre s'animèrent d'une vie effroyable et s'étendirent en se tordant comme pour les saisir. Au-dessus d'elles, les profondeurs sombres des branches se transformèrent en un grouillement monstrueux, et les extrémités des racines et des branches avaient des yeux. Alors, à travers l'obscurité toujours plus intense de son rêve, Yuma entendit Gabriel qui criait « C'est un zombie, je ne puis l'abattre !»